Mais justement, en fait, je voulais en parler. C'est-à-dire que j'ai l'impression, effectivement, que cette entrée en carrière, elle modèle les gens pour la future recherche qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression vraiment que le mode de fonctionnement... En fait, on s'est déplacé, comme il disait tout à l'heure, le thésard qui avait une bourse qui était liée. Moi, je me souviens qu'à l'époque où j'ai eu... C'était en 86-87. Et il y a une copine qui a changé de labo avec sa bourse de DEA. Quoi. Enfin, et donc, la bourse appartenait à la personne. C'est-à-dire que la personne était autonome, quasiment, et pouvait me changer de labo, donc changer de recherche avec sa bourse. Maintenant, c'est plus du tout le cas dans le nouveau contrat doctoral, alors que pour moi, c'est l'essentiel. Hein. Enfin, la recherche, c'est... bien sûr, c'est une affaire d'équipe, mais c'est aussi surtout une affaire d'individu. Pour moi, c'est-à-dire que c'est l'individu qui l'a fait, même en équipe, même s'il l'a fait en équipe, mais il faut qu'il ait l'autonomie. Et j'ai l'impression que l'entrée en carrière, maintenant, on apprend justement à faire de la recherche sur projet, à faire de. Et est-ce que en fait, vous feriez la même recherche s'il n'y avait pas cette contrainte? Oui, oui. C'est la question. Oui.